Demain, quoi qu'il arrive, j'irai sur la même rive que moi dans mon bocal. Je suis sentimental. Je vais vers mon reflet. Je suis patient. Thank you.